le point d'arrivée d'une réflexion sur l'histoire, c'est une philosophie de la liberté, et par définition, une philosophie de la liberté exclut les prophéties. Le 30 janvier 1933, Hindenburg a nommé Hitler chancelier avec les pleins pouvoirs pour 4 ans. Je ne sais pas pourquoi les miens ne sont pas partis à ce moment-là comme d'autres. 93% de voix. 40 millions de voix pour Hitler. 2 millions contre. Même dans les prisons et les camps, on a voté pour lui. Si l'on dit régime totalitaire au sens fort, c'est-à-dire où non seulement il y a despotisme, mais où il y a en plus une idéologie impérative pour tous, la seule forme pure que je connaisse aujourd'hui est celle de l'Union soviétique. Un des aspects du totalitarisme, c'est d'imposer une vérité idéologique d'État à l'ensemble de l'existence. En Allemagne, face à la montée du nazisme, Raymond Aron a une révélation. Comment saisir ce qui est en train de se produire? Comment moi, pris dans le mouvement de l'histoire, puis-je savoir ce qui se passe? Et y a-t-il un sens à tout cela? C'est là l'acte de naissance philosophique de Raymond Aron, de sa pensée de l'histoire, de son sens et du progrès. Avec cette question qui résonne en chacun de nous, comment comprendre son époque sans être enchaîné dans son avancée folle? Périne Simon-Naoum. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, professeure attachée au département de philosophie de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Vous êtes spécialiste de philosophie française contemporaine et donc de Raymond Aron. Ça tombe bien puisqu'aujourd'hui nous parlons de sa philosophie de l'histoire, de son rapport au progrès. Est-ce que vous définiriez la philosophie de Raymond Aron comme une philosophie de l'histoire avant tout ? Alors, ce qu'on doit dire, c'est que Aron est avant tout effectivement un penseur de l'histoire. Pourquoi est-ce que j'emploie le terme penseur et non pas philosophe ? Parce que vous savez que ce qu'on désigne en philosophie comme des philosophies de l'histoire sont en réalité des systèmes de pensée dans lesquels l'histoire a un sens prédéterminé, ce qu'on appelle donc une orientation téléologique de l'histoire. Or, Aron n'aura cessé toute sa vie de lutter précisément contre ces systèmes qui fixent un sens à l'histoire. En revanche, dire que Aron est un penseur de l'histoire, comme le faisait lundi dernier sur votre antenne Pierre Bourretz, me paraît tout à fait vrai parce que ça permet de reconstituer en fait l'unité d'une œuvre dont on a souvent dit qu'elle se fragmentait dans des domaines aussi différents que ceux de la sociologie, de la politique, même de l'économie ou des relations internationales. En fait, Raymond Aron n'aura cessé, peut-on dire, de penser l'histoire, et c'est pour ça qu'il nous parle aujourd'hui. Alors vous avez dit que Raymond Aron se définissait d'abord comme un penseur de l'histoire et non pas comme un philosophe, puisque l'idée de penser une philosophie de l'histoire, ça voudrait dire que l'histoire est sous-tendue par une forme de sens, soumis à une fin, donc une vision téléologique de l'histoire. Est-ce que ça veut dire, par cette idée de sens à laquelle renonce peut-être Raymond Aron, on va le voir, renonce-t-il aussi à cette idée de progrès dans l'histoire ? Alors pas du tout, c'est-à-dire que l'idée de sens qu'il refuse, c'est l'idée en fait d'un déterminisme de l'histoire. C'est telle le loi, fait que, telle cause, telle effet, il y aurait, voilà, et que l'histoire aurait un sens qui serait déterminé à l'avance. Dire cela, comme le fait par exemple le marxisme, mais comme le font également un certain nombre de religions, qu'elles soient sacrées, je dirais, ou séculière, et Raymond Aron avait identifié en fait à travers le marxisme une forme de religion séculière, c'est dire en réalité que l'homme n'a pas part à l'histoire, c'est-à-dire que nous sommes entièrement déterminés. Des ordres de jouer un petit peu. Oui, c'est ça. Or, dans l'extrait que vous avez choisi pour ouvrir l'émission, Raymond Aron dit bien que son effort porte sur la nécessité de définir une philosophie de la liberté. Ça ne veut pas dire que l'homme soit complètement libre. Il est évident que nous sommes soumis à des contraintes extérieures qui sont celles de notre milieu, de notre histoire, de notre environnement, et même des événements qui nous échappent. Mais ce que Raymond Aron essaye de faire, c'est de penser l'action de l'homme dans l'histoire, c'est-à-dire de penser l'homme comme un individu historique qui aurait une part de liberté, à la fois dans sa vie individuelle, je dirais la plus quotidienne, mais aussi dans le sens qu'il projette à sa vie. Qu'est-ce que dit Aron ? Et je réponds plus précisément à votre question. Dans l'introduction à la philosophie de l'histoire, qui, vous le savez, est sa thèse, donc qu'il soutient en 1938, deux semaines après l'Anschluss, après l'invasion de l'Autriche par les troupes nazies, ce que dit Raymond Aron, c'est que c'est vrai que nous sommes des êtres finis. Nous savons que nous allons mourir. Mais au-delà de nous, nous projetons un sens à l'histoire, l'idée que, en fait, nous irions vers une humanité qui se perfectionnerait, c'est-à-dire qui irait vers son émancipation. Et en fait, c'est ce sens de l'histoire-là qu'il conserve comme une forme d'horizon régulateur qui renvoie, en fait, à l'horizon de la raison kantienne. Donc, autant le dire tout de suite, Perrine Simon-Naoum, Aron n'est pas ce terrible réac qu'on a voulu décrire, à savoir réac ou conservateur d'ailleurs. Ah, Aron n'a rien ni d'un réactionnaire ni d'un conservateur, et je rappellerai juste le titre un peu provocateur que Christophe Prochasson avait donné à son article quand on avait fait un recueil sur Aron et le sens de l'histoire, Aron, homme de gauche. Eh bien, Aron est un homme de gauche. On pourra y revenir si Aron critique... C'est une thèse originale, hein, parce que... Enfin, c'est une thèse tellement qui la gauche que... Enfin, il critiquait une forme de gauche. Il critiquait dans la gauche ce qui lui paraissait idéologique, ce qui lui paraissait contradictoire, téléologique. En revanche, Aron est celui qui a sans doute produit une critique de nos sociétés modernes, la plus progressiste, à la fois, je dirais, d'un point de vue politique, et peut-être qu'on y reviendra, dans un ensemble de cours qu'il fait au début des années 60, qui paraissent sous le nom des 18 leçons sur la société industrielle, la lutte des classes et démocratie et totalitarisme, où Aron a une pensée des élites qui n'a absolument rien perdu de son actualité et qu'on aurait vraiment intérêt à relire, mais également dans la critique qu'il fait du capitalisme, notamment dans un ouvrage paru en 1969, Les désillusions du progrès. Alors on aura l'occasion d'en reparler, Perrine Simon-Naoum. Je vous propose de revenir un petit peu à la source en fait, la découverte en fait de cette passion pour l'histoire de Raymond Aron. C'est dans ses mémoires qu'il raconte cette découverte et c'est lu par François Raison. Un jour sur les bords du Rhin, je décidai de moi-même. Je me suis si souvent remémoré cette méditation que je crains finalement d'avoir confondu avec mon authentique expérience la reconstruction que j'en ai faite. Il me souvient pourtant que j'écrivis à mon frère Robert, soulevé par la joie de la découverte, une lettre enthousiaste et peu intelligible. En gros, ce que j'avais l'illusion ou la naïveté de découvrir, c'était la condition historique du citoyen ou de l'homme lui-même. Comment, français, juif, situé à un moment du devenir, puis-je connaître l'ensemble dont je suis un atome entre des centaines de millions ? Comment puis-je saisir l'ensemble autrement que d'un point de vue, un entre d'autres innombrables ? D'où suivait une problématique quasi kantienne. Jusqu'à quel point suis-je capable de connaître objectivement l'histoire, les nations, les partis, les idées dont les conflits remplissent la chronique des siècles, et mon temps ? Une critique de la connaissance historique ou politique devrait répondre à cette interrogation. Cette problématique comportait une autre dimension. Le sujet, en quête de la vérité objective, est immergé dans la matière qu'il veut explorer et qui le pénètre, dans la réalité dont, En tant qu'historien ou économiste, il extrait l'objet scientifique. Je devinais peu à peu mes deux tâches. Comprendre ou connaître mon époque aussi honnêtement que possible, sans jamais perdre conscience des limites de mon savoir. Me détacher de l'actuel, sans pourtant me contenter du rôle de spectateur. Alors ce texte est vraiment incroyable, je rappelle que c'est un texte de Raymond Aron dans ses mémoires, il raconte comment il a découvert sa passion pour l'histoire, ou plutôt le questionnement qui va animer toute son œuvre. Alors déjà il faut quand même souligner, Perrine Simon-Naoum, la première tournure qui est incroyable, il faudrait la ressortir de temps en temps d'ailleurs, « Un jour sur les bords du Rhin, je décidais de moi-même ». Alors il y a quand même une ambiguïté parce qu'en fait il se retrouve tout à coup objet de questionnement sur l'histoire en fait. Il le dit très clairement, comment Français juifs situés à un moment du devenir puis-je connaître l'ensemble dont je suis un atome entre des centaines de millions ? Et en même temps on sent que c'est là où il décide de ne pas être seulement agi par ces questions mais vraiment de se les approprier, ce qui nous conduit à plusieurs questions, hein, il me semble, à travers ce texte. D'abord, une question épistémologique, comment connaître ce dont je fais partie? La question du point de vue, ça c'est une question très importante et très actuelle de comment avoir une connaissance objective alors que je suis subjectivement pris dans la matière que je veux étudier. Et donc, on arrive à la question de l'histoire, comment connaître objectivement l'histoire dont je fais partie. On peut dire que c'est un peu ces trois questions-là, Perrine Simon-Naoum, qui anime ce texte. Oui, ce texte est absolument prodigieux et en même temps, je dirais, il ne faut pas exclure, et j'y reviendrai, qu'il soit un tout petit peu réécrit, c'est-à-dire, et Aron le dit lui-même parce qu'il en a conscience, qu'il réinterprète un tout petit peu les choses, j'y reviendrai. Oui, d'ailleurs, il parle de reconstruction. Voilà. Ouais. J'y reviendrai parce que, pour penser la philosophie de l'histoire d'Aron, nous avons un très beau texte d'entrée dans la problématique, qui est un texte, une conférence que Georges Canguilhem, qui était le condisciple d'Aron à l'École normale supérieure et qui sera, on le sait, le maître de Michel Foucault, écrit sur Aron, en hommage à Aron. Et il dit, avec Aron, on voit apparaître une philosophie française de l'histoire. Et cette question, je me la suis longtemps posée. Qu'est-ce que ça veut dire une philosophie française de l'histoire ? Ce que dit Aron, un jour, sur les bords du Rhin, je décidais de moi-même. Ça veut dire en réalité que, dans la manière dont il présente les choses, il montre comment il va produire une double rupture par rapport à la philosophie de l'histoire traditionnellement enseignée en France. Double rupture pourquoi ? Parce que d'une part, il va se séparer de ses maîtres, Braunschweig, Bergson, dont il va critiquer une forme d'irénisme, en fait, dans la manière dont ceux-ci font confiance à la raison. Et on sait que la soutenance de thèse d'Aron fut une soutenance épique dans la mesure où il a remis en cause cet irénisme de la raison en expliquant à ses maîtres qui étaient là et qui le jugeaient à la Sorbonne que, contrairement à ce qu'il pensait, il était tout à fait possible que la raison ne l'emporte pas et que la démocratie soit battue par les totalitarismes. Seconde rupture, il introduit, et il est connu pour ça, la philosophie allemande, les sciences de l'esprit, Max Weber, la notion de compréhension que vous avez soulignée dans la philosophie française. Mais en réalité, Aron part aussi de la philosophie française, et ça, il ne le dit pas. Et il me semble que il y a chez lui quelque chose qui est assez lié à la philosophie des sciences. Aron, à un moment, s'il dit « je décidais de moi-même », c'est que à ce moment-là, il décide d'interrompre son projet de thèse premier, qui était un projet de génétique. Il travaillait sur la biologie mendélienne, pour faire de la philosophie de l'histoire. Eh bien, ça n'est pas tellement éloigné. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il s'aperçoit que le climat intellectuel des généticiens français à l'époque n'est pas prêt à recevoir ces thèses, qui sont celles, vous savez, de l'idée d'une rupture qui pourrait intervenir dans la chaîne de l'hérédité. En France, on est encore sur le modèle lamarckien d'une continuité. Qu'est-ce que c'est que cette rupture dans la chaîne de l'hérédité, eh bien, ça n'est rien d'autre que l'intervention de l'homme dans l'histoire. Et donc, ce que Aron va transposer, je dirais, de la génétique à l'histoire, c'est ce rôle que joue l'individu dans l'histoire. Alors, ce rôle, il est double et il le dit très bien dans cet extrait. D'une part, comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux prendre connaissance, et une connaissance la plus objective possible, de mon environnement. On sait que l'introduction à la philosophie d'histoire, donc sa thèse, est sous-titrée « Essai sur les limites de l'objectivité historique ». Donc comment est-ce que je peux prendre connaissance de l'histoire? Et prendre connaissance de l'histoire, ça veut dire la partager, ça veut dire la communiquer, ça veut dire communiquer mon point de vue de manière à ce que puisse s'instaurer un dialogue avec les autres. Mais c'est aussi, et c'est ça qui est absolument fascinant chez Aron, c'est, je dirais, non seulement la précocité de sa rencontre avec l'histoire, il faut quand même se souvenir que donc Aron, au moment où... Donc, il fait le choix de la philosophie de l'histoire est à Berlin, et qu'il va rentrer de Berlin en disant à Sartre, écoute, va en Allemagne, parce que là, il y a un courant philosophique qui va t'intéresser. On est en 32. Aron va prendre donc le poste de Sartre au Havre pour que Sartre puisse aller à Berlin. Sartre à Berlin, il voit rien. Il ne voit pas le nazisme, il ne voit pas le totalitarisme, il ne voit pas la confiscation des libertés. Je veux dire, il y a chez Aron quand même, et il faut ici le redire, cette précocité de l'analyse de l'événement que les autres philosophes français verront bien après coup. Et c'est quelque chose qui va se répéter plusieurs fois, puisque c'est la même chose dans les années 50 à partir de l'analyse de l'Union soviétique, c'est la même chose dans les années 70 sur les relations internationales, c'est cette espèce de conscience que Aron a de l'événement. Mais cette conscience de l'événement, et j'en finis par là, elle n'est pas celle du savant dans sa tour d'ivoire. Ce que dit Aron dans cet extrait, c'est comment est-ce que je peux agir dans le monde ? Et vous savez que Aron sera un grand commentateur de Marx, mais il sera aussi un grand commentateur de Max Weber. Et ce qui le fascine chez Weber, c'est que Weber a été à la fois un savant et un politique. Oui, c'est l'éthique de la responsabilité, l'éthique de conviction, l'éthique du savant et l'éthique du politique. Voilà. Et donc, Aron s'est toujours, ne s'est jamais mis à la place des dirigeants politiques, mais a toujours fait l'exercice de savoir ce que lui, le philosophe, pouvait dire s'il était au moment, s'il était lui-même acteur de l'histoire, ce qui fait que sa vision de l'histoire reste toujours liée à une analyse des réalités politiques, économiques et internationales. Mais ce qui est intéressant, Perrine Simon-Naoum, c'est que avant de dire comment agir dans le monde, il se demande déjà comment connaître le monde. Et ça, c'est une vraie question avec un enjeu épistémologique, d'objectivité. D'ailleurs, c'est intéressant car dans le texte, il passe de le sujet en quête de la vérité objective à comprendre ou connaître mon époque aussi honnêtement que possible. On a l'impression quand même que ce souci de l'objectivité, ça va être un vrai danger pour lui, une vraie préoccupation pour lui, dans le sens où, effectivement, comment on peut être objectif quand on est pris dans l'histoire ? Comment être honnête à défaut d'être objectif, parce qu'on voit quand même qu'il y a une sorte de petit glissement sémantique ici, pour pouvoir rendre compte de l'histoire, parce que c'est aussi là ce qui est en jeu quand on parle de la philosophie de l'histoire de Raymond Aron. Il reproche à la gauche et à sa philosophie de l'histoire d'être idéologique et totalitaire. Comment lui va-t-il pouvoir se prémunir de cette accusation d'idéologie ? Alors, il arrive à se prémunir de deux façons. Je vous ai dit, le problème, encore une fois, ce qui est frappant chez Aron, c'est vraiment la précocité avec laquelle il va poser les problèmes qu'il va déployer ensuite tout au long de son œuvre. Donc, sa thèse, Introduction à la philosophie de l'histoire, essai sur les limites de l'objectivité historique. D'emblée, Aron sait, et il reprend ça de Max Weber, que on ne peut pas arriver à une objectivité scientifique pour ce qui est de la représentation de l'histoire. Et d'ailleurs, je veux dire, non seulement c'est impossible, mais ça ne serait même pas souhaitable. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, l'historien serait renvoyé à sa place de spectateur. Or, l'historien est lui-même acteur. Il est acteur de son objet d'étude puisqu'il le construit. Mais il est aussi acteur de cet objet dans la mesure où, et là Aron va plus loin que Max Weber, il le construit et il s'y intéresse en fonction d'une philosophie des valeurs, c'est-à-dire des valeurs qui l'animent lui-même. S'agissant d'Aron, cette philosophie des valeurs, évidemment, nous renvoie à Kant et nous renvoie à l'horizon régulateur de la raison, mais aussi à l'idée de l'émancipation de l'humanité, c'est-à-dire d'une philosophie de la liberté. Donc, si vous voulez, la philosophie de l'histoire d'Aron, elle se situe exactement au point de rencontre entre liberté et déterminité, qu'il construit, je dirais, à la fois d'un point de vue historique, politique, mais aussi d'un point de vue philosophique. Et qu'il construit philosophiquement contre Marx. On va entendre la voix d'Aron parler du marxisme. Le capital ou critique de l'économie politique se situe dans une entreprise intellectuelle que Marx a commencé dans sa jeunesse et poursuivi toute sa vie, qui est l'effort pour penser l'histoire globale. Bien sûr, nous voulons tous faire une histoire raisonnée, c'est-à-dire faire comprendre le développement des régimes économiques modernes à partir de relations suffisamment abstraites. Le danger, c'est de prendre quelques propositions assez simples et de vouloir en déduire toute la complexité des faits historiques. Et Marx, de temps en temps, commet cette erreur. Il explique de manière beaucoup trop simple la diversité des faits historiques. Mais ce que nous cherchons tous, encore aujourd'hui, c'est cette combinaison de philosophie, d'économie et de sociologie. Simplement, nous la cherchons avec des instruments plus perfectionnés et nous la cherchons aussi avec une connaissance du monde qui s'est développé depuis Marx, que Marx ne pouvait pas posséder. De telle sorte qu'il est un petit peu absurde de vouloir juger ce que Marx a dit en 1850-60 à la lumière de ce que nous savons un siècle après. Sur bien des points, je pense qu'il s'est trompé, mais que pour être juste, il faut ajouter une formule d'un homme qui n'était pas marxiste, Schumpeter, qui a dit « Si dans un siècle il reste autant de vérité dans ce que j'ai écrit, qu'il reste de vérité aujourd'hui dans ce que Marx a écrit, je serais bien content. » France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Ah, on peut remercier Raymond Aron de mansuétude à l'égard quand même de la pensée de Marx, puisqu'il reconnaît quand même que il faut savoir reconnaître les erreurs qu'a fait Marx, mais aussi dire quand même qu'il était d'un autre temps, et en même temps ne pas être aveuglé par effectivement ces erreurs plus non pas de historique, de réalité politique, que philosophique, à savoir proposer une histoire qui est beaucoup trop globale. Là, Aron fait référence au fait que Marx ne prend pas en compte le pluralisme des actions individuelles. On retrouve ici l'influence de Max Weber sur le fait que chaque individu a des raisons individuelles qui l'animent, et puis aussi le fait qu'il ait une vision beaucoup trop simple de l'histoire, c'est-à-dire en fait soumise à un seul sens. Alors, je ne parlerai pas de mansuétude, c'est beaucoup plus que ça. Marx est resté tout au long de la vie d'Aron l'un de ses principaux interlocuteurs, hein, avec Max Weber. Et Aron était l'un des meilleurs connaisseurs de Marx. On pense souvent au marxisme de Sartre. Sartre n'a que très peu lu Marx, alors que Aron a dialogué toute sa vie avec Marx. Et il l'a fait très très tôt, puisqu'il rencontre Marx, en fait, dans un séminaire qu'il suis jeune étudiant à la Sorbonne, où c'est à Marx qu'il consacre l'un de ses premiers articles. Et ce qu'il dit tout de suite, je pense parler de la précocité de son analyse, eh bien on la voit ici aussi, c'est-à-dire que il dit finalement il y a deux choses chez Marx, et je reprends un peu ce qu'il dit dans l'extrait d'archives que vous avez passé. Il date de 1968. Voilà, qui me semble dater des années 1960, on y reviendra. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a deux choses chez Marx. Il y a l'analyste économique, et là, il lui reconnaît une capacité d'analyse de son époque extraordinaire. Il dit, en revanche, il y a chez Marx une philosophie de l'histoire qui renvoie à une forme de téléologie, qui renvoie à une forme de prophétie, et ça n'est pas acceptable. Or, il critique aussi les épigones de Marx, et on y reviendra sans doute, Sartre et Merleau-Ponty, avec lesquels... On va d'ailleurs bientôt entendre la voix de Merleau-Ponty. Il polémique dans les années 50, en disant finalement, les épigones de Marx se sont emparés de cette philosophie de l'histoire pour en faire un principe de causalité unique. Je vous propose d'entendre tout de suite la voix de Maurice Merleau-Ponty parce que ça résonne vraiment avec ce que vous êtes en train de dire, Perrine Simon-Naoum. Considérant le problème des procès de Moscou, je désirais comprendre, comme tout le monde d'ailleurs, comment il se faisait qu'un accusé qui manifestement n'était pas coupable des choses qui lui étaient officiellement reprochées, pouvait néanmoins accepter sa condamnation et la motiver lui-même. Et pour résoudre cette question, il fallait entrer dans les motifs d'un homme comme Boukharine. Alors ceci m'a amené à me demander comment un révolutionnaire peut concevoir la justice dans un régime qui est issu de la révolution qu'il a souhaitée. Qu'est-ce qui a valeur absolue pour un marxiste? Ce ne sont pas des idées. C'est une réalité historique, l'État socialiste en train de se faire. Alors, on ne peut jamais, quand on est marxiste, on ne peut jamais condamner la réalité historique, le fait historique, au nom d'une valeur ou au nom d'une idée. Alors là, c'est précisément donc la voix de Maurice Merleau-Ponty, entretien avec Georges Charbonnier le 12 juin 1959. C'est précisément là ce que Aron reproche en fait aux épigones de Marx, donc du marxisme. Finalement, de dire on ne défend pas une valeur absolue, on défend la réalité de l'histoire en train de se faire, mais finalement, l'histoire en train de se faire est devenue une valeur absolue pour les marxistes. Absolument. Et Aron va polémiquer au cours des années 50 de façon très violente. Enfin, c'est pas lui qui sera violent, ce seront ses adversaires, si je puis dire, et Sartre, on le sait en particulier. Il va polémiquer contre Sartre et Merleau-Ponty. Et celui qu'il va attaquer le plus profondément, c'est précisément Merleau-Ponty. Alors cette archive de Merleau-Ponty que vous avez passée, en fait, date de la seconde période, si je puis dire, de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, vous savez, a eu une évolution politique, c'est-à-dire que à la fin des années 1940, il était profondément marxiste. C'est ce courant de pensée qui traverse son écrit « Humanisme et terreur » qui porte sur les procès de Moscou, et dans lequel Merleau-Ponty justifie, légitime, ce qui s'est passé dans les procès de Moscou. Et puis Merleau-Ponty va changer d'attitude à l'égard de l'Union soviétique au moment du déclenchement de la guerre de Corée en mars 1950 et devenir ce qu'il appelle acommuniste. Et il écrira donc « Les aventures de la dialectique » en 1954. Et là, il y a tout un dialogue avec Aron. Pourquoi ? Parce que Aron reproche à Merleau-Ponty pas tellement son attitude politique que surtout son inconséquence philosophique. Ce qu'il dit, c'est que ces philosophes de l'existentialisme, Merleau-Ponty ou Sartre, ne sont pas cohérents avec eux-mêmes, puisque d'un côté, sur le plan individuel, ils défendent l'idée de la liberté individuelle, de la liberté de l'homme, tandis que sur le plan collectif, ils défendent l'idée d'une philosophie de l'histoire. Et ce que dit Aron est très simple. Il dit, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais on ne peut pas concilier les deux. On ne peut pas rabattre finalement l'existentialisme sur le marxisme ou avoir une théorie, une philosophie de la conscience individuelle qui prendrait une forme marxiste, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'une part, c'est inconséquent d'un point de vue philosophique. Vous ne pouvez pas soutenir que l'individu est libre de ses choix et dire en même temps qu'il participe d'une aventure historique dont il ne serait pas à l'initiative. Et d'autre part, et ça c'est un principe moral, c'est cette philosophie des valeurs que Aron a toujours rappelé à l'horizon de sa propre pensée, c'est l'idée que il n'y a pas de raison de sacrifier les individus à une cause, quelle qu'elle soit. Mais on pourrait aussi répondre à Aron que entre l'être et le néant de Sartre, puis après la critique de la raison dialectique, le moment où il va défendre en fait une vision de l'histoire et notamment une vision, on va dire, marxiste de l'histoire avec une théorie des ensembles, en fait c'est juste une manière aussi de compléter sa théorie existante de la conscience individuelle, où en fait la conscience, il la voyait comme une sorte d'atome perdu au milieu du monde, alors que là il dit oui mais une conscience n'est jamais comme ça, elle est toujours au monde et le monde est toujours économiquement, socialement, politiquement situé. Donc finalement dire que Sartre se contredit, on pourrait très bien dire aussi Sartre ne fait que compléter sa pensée, certes idéologiquement, mais néanmoins on ne peut pas vraiment dire que c'est forcément une contradiction philosophique. Alors moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec votre présentation, c'est-à-dire je pense qu'il y a chez Sartre une aporie de l'histoire, à savoir une incapacité de penser l'histoire à partir justement de l'être et le néant, ce qui fait que en réalité le second tome qu'il avait promis n'arrive jamais, et que finalement il répond à cette aporie de l'histoire à travers l'adhésion au marxisme, mais pas seulement au marxisme philosophique. Il répond à ça à travers son adhésion au Parti communiste, en devenant compagnon de route. Et il ne faut pas oublier quand même que dans Critique de la raison dialectique, la figure du prolétariat et la figure de la praxis, finalement, subsument celle de l'individu historique. L'individu historique n'a plus de raison d'être individuelle. Finalement, le vrai reproche que fait Aron à Sartre et à Merleau-Ponty, c'est d'avoir oublié tout simplement ce qu'on appelle la liberté. Et on retrouve là, en fait, sa pensée du libéralisme. Sa pensée du libéralisme, mais je dirais sa pensée de l'histoire tout court. Et oublier la liberté, il faut le reconnaître, c'est quand même un peu gênant. J'essaye d'expliquer dans ce livre les désillusions du progrès pourquoi la société moderne est insatisfaite en permanence. La raison fondamentale étant que la société moderne a des projets qui sont en tant que tels contradictoires et irréalisables. Par exemple, la société moderne a un projet démocratique égalitaire. Mais d'un autre côté, elle a aussi un projet productiviste. Or, le productivisme implique organisation, discipline, hiérarchie, ce qui est contradictoire avec l'aspiration égalitaire qui fonde en même temps la société moderne. Autre exemple, du moment que vous voulez un ordre démocratique, il faut la compétition. Car si vous faites partir tous les jeunes dans la compétition, vous ne pouvez pas leur donner à tous le bâton de maréchal. Vous pouvez leur dire qu'à tous qu'ils l'ont dans leur giberne. Mais à l'arrivée, il n'y en aura qu'un petit nombre qui l'auront. Or, un des aspects typiques des révoltes d'étudiants, ce sont les révoltes contre les examens. Or, je veux bien dire que les examens sont mal organisés, qu'ils sont excessifs, etc., etc. Mais finalement, le refus des examens, c'est le refus de la compétition qui est liée à la démocratie elle-même. Les sociétés modernes, historiques, en tous les sens, regardent vers l'avenir plutôt que vers le passé. Elles perdent le respect de la tradition. Elles sont dominées par le sentiment d'une rupture entre les sociétés pré-industrielles et les sociétés industrielles, d'une accélération croissante du progrès scientifique, technique, économique. Qu'il s'agisse du nombre des revues scientifiques, de la vitesse des moyens de transport, de la puissance des explosifs, les courbes révèlent des croissances comparables. Il n'a fallu que 10 ans pour passer du chemin de fer à l'avion, de l'avion à piston à l'appareil à réaction, de celui-ci à l'appareil supersonique, de celui-ci aux fusées, les délais vont en se réduisant. Les progrès scientifiques et techniques prennent l'apparence d'une sorte de fatalité. Le jour où les États décident de fabriquer des avions de transport supersoniques pour gagner 3 heures sur le trajet New York-Paris, quitte à les reperdre d'ailleurs dans les embouteillages entre l'aérodrome et le centre des villes, les responsables, publics et privés, se contentent le plus souvent de répondre par la formule dénuée de sens « on n'arrête pas le progrès ». Il semble parfois que les sociétés elles-mêmes ont d'autant moins la maîtrise de leur destin qu'elles ont, par l'intermédiaire de la technique, une maîtrise accrue du milieu naturel. Alors on a entendu la voix de Raymond Aron, c'était dans Radioscopie sur France Inter le 23 juin 1969. Il y parle de son livre « Les désillusions du progrès » qui date de 1969, dont j'ai lu d'ailleurs un extrait qui revient sur cette formule dénuée de sens. On n'arrête pas le progrès. Là, on entend quand même un Raymond Aron extrêmement critique à l'égard du progrès. Encore faut-il définir ce progrès. Qu'est-ce que ça veut dire progrès? Est-ce que ça veut juste dire avancer dans l'histoire? Est-ce que ça veut dire aller vers un mieux? Et puis, quelle forme de progrès? Est-ce que c'est technique, moral, politique? Que veut dire le progrès chez Raymond Aron? C'est ma question, Perrine Simon-Naoum. Je crois que on entend dans les deux extraits, donc le petit bout d'archives de Raymond Aron et le texte que vous avez lu, l'actualité de la pensée d'Aron. Moi, ça me frappe chaque fois que je le relis. Il y a deux choses, je pense, dans ces textes qui nous parlent, qui parlent aux problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. La première chose, et c'est toujours, je dirais, à la rencontre de ce que je disais, liberté, déterminisme. C'est-à-dire la manière dont, encore une fois, l'individu peut comprendre le monde dans lequel il évolue, mais aussi peut agir dans le monde, c'est-à-dire donner un sens à sa vie. Pourquoi ? D'une part, je commenterai juste un mot sur le texte que vous avez lu, cette notion de progrès. En réalité, ce que dit Aron, c'est que nous vivons, nos sociétés modernes, il en fait le constat dans les années 60, vivent une mutation que les sociétés n'ont jamais connue auparavant, qui date de 1945, parce que effectivement, il y a un progrès technologique, il y a un progrès dans les communications, il y a une forme, dit-il, d'unification de l'histoire. L'humanité, pour la première fois, est une, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, parce que pour le pire, on sait très bien que le déclenchement d'une guerre atomique signifierait la fin de l'humanité, donc elle a un destin commun. Et en même temps, ce progrès, ce n'est pas lui qui conduit uniquement l'histoire. Ce que Aron dit toujours, et cette tension me paraît aujourd'hui toujours valable, c'est que certes, nous vivons une mutation, certes, cette mutation, peut-être que nous n'en sommes pas entièrement maîtres, puisqu'elle est déterminée par le progrès technologique scientifique, mais il dit, il faut considérer aussi un autre aspect de l'histoire, qui est l'histoire as usual, dit-il. C'est-à-dire l'histoire comme d'habitude, c'est-à-dire l'histoire à travers ses hasards, à travers ses imprévus. Et ces hasards et ces imprévus, finalement, ils prennent chez lui la figure des guerres. Ce que dit Aron, c'est que l'histoire est dramatique. Qu'est-ce que ça veut tragique, dire c'est-à-dire dramatique, c'est-à-dire que nous ne savons pas où va l'histoire. Et donc, c'est vrai qu'il y a des déterminismes comme ceux causés par le progrès, mais nous ne vivons pas sous le seul empire de ces déterminismes. Il y a des hasards, il y a des ruptures, il y a des guerres, et ça change le sens de l'histoire. Mais ça veut dire qu'on doit renoncer à l'idée de sens de l'histoire, ou plutôt, si je peux repréciser, Perrine Simon-Naou, on doit se dire que finalement, entre deux visions de l'histoire, entre la vision déterministe et libre de l'histoire, Aron choisit la dimension libre. Mais est-ce qu'on va pas un peu vers l'absurde ? Est-ce qu'on renonce pas, du coup, à avoir une vision ordonnée de l'histoire et même à pouvoir à la fois l'affronter de manière ordonnée, en se disant quand même, il y a quand même des phénomènes, des prévision qu'on peut avoir, et puis aussi un certain rapport au passé, en se disant, bah finalement, ça veut dire que l'histoire n'est fait que d'interprétation, il n'y a pas d'événement brut, on ne pourra jamais accéder à l'histoire telle qu'elle. Non, il y a des événements pour Aron, mais ce qu'on ne doit jamais oublier, c'est que il y a aussi des hasards, il y a aussi des ruptures. C'est assez drôle parce que je reviens à l'introduction à la philosophie de l'histoire, la thèse d'Aron, qui commence par cette phrase qui nous fait beaucoup rire jusqu'à cette année, je vais vous expliquer pourquoi. Aron dit « On supposera connu la théorie de Cournot ». Jusqu'à cette année, personne ne connaissait la théorie de Cournot, nous l'avions tous oubliée, sauf les agrégatifs de cette année, parce qu'ils ont Cournot à leur programme. Qu'est-ce que c'est que la théorie de Cournot ? C'est de dire qu'en fait, il y a des séries dans l'histoire et que ces séries déterminent des causalités, mais qu'elles sont aussi interrompues par le hasard, par la contingence. Ce que dit Aron, c'est qu'il ne faut jamais oublier la contingence de l'histoire. Et il l'a analysé d'ailleurs à plusieurs reprises et sous différentes formes, que ce soit dans les relations internationales ou dans les événements de politique intérieure. L'autre chose que je voudrais dire sur les textes, ou l'archive plutôt, que vous avez fait entendre, pour moi cette archive elle est extraordinaire, parce que effectivement, qu'est-ce que disent les désillusions du progrès ? C'est pas seulement une critique du progrès ou une remise en cause du capitalisme qui me fait dire, moi, que Aron était tout sauf un homme de droite réactionnaire, mais c'est qu'il y décrit les trois dialectiques qui traversent nos sociétés. Et ces trois dialectiques, eh bien, ce sont celles que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit ? Il y a une première dialectique de l'égalité. Il y a une deuxième dialectique de la socialisation. Il y a une troisième dialectique de l'universalité. Ces dialectiques, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, voilà, nos sociétés sont définies par des principes, par des idéaux, celui de l'égalité, celui de l'universalité, celui de la socialisation. Et pourtant, nous, individus, nous avons aussi envie que on nous reconnaisse pour ce que nous sommes. Nous n'avons pas toujours envie d'être égalitaires. Nous avons envie de gagner le plus possible. Nous n'avons pas toujours envie de nous couler dans une socialité. Nous avons envie qu'on nous reconnaisse en tant que type particulier. Et aujourd'hui, c'est vraiment incroyable de penser que quelqu'un a montré le problème que pose la culture woke dès 1969. Nous n'avons pas toujours envie d'être universel. Nous avons aussi envie qu'on nous reconnaisse dans nos particularités. La seule chose que fait Aron, c'est qu'il pointe... Mais ce n'est pas un des tenants de la culture woke, donc il faut quand même dire pour nos auditeurs et auditrices que la culture woke, donc c'est une culture qui vient des États-Unis, donc dont on parle un peu plus, beaucoup en ce moment, dans le débat public en France. C'est une conscience éveillée qui se dit... éveillés lucides sur les inégalités à l'œuvre dans la société et qui ont des revendications qui retrouvent plutôt l'identité de genre, de race et aussi de classe. Et donc, ce qui est extraordinaire chez Aron, c'est que il définit nos sociétés modernes non pas comme des sociétés de consensus, mais comme des sociétés de conflit. Il voit bien les tensions qui nous traverse en tant qu'individu et qui se répercute, je dirais, au niveau donc du groupe collectif. Finalement, Raymond Aron aurait été plutôt partisan, en fait, d'une culture woke, à savoir avec ses questionnements, dire finalement, parce que là, c'est l'expression, en fait, de dire, on n'a pas envie, c'est vraiment l'expression de ces trois dialectiques, hein, de l'égalité, de la socialisation, de l'universalité. Puisqu'avec la culture woke, on remet en cause l'universalité en disant finalement, l'universalité, elle n'est pas celle qu'on a décrite jusque-là, elle n'est pas abstraite, elle n'est pas, en fait, blanche et masculine uniquement. L'égalité, en fait, ben, elle n'a pas lieu. Et la socialisation, j'ai pas envie d'appartenir, en fait, à des normes que je n'ai jamais définies. Non, alors ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit, il ne serait pas un partisan ça vous permet de préciser. De la culture woke, mais ce qu'il montre très bien, ce qu'il analyse avec une très grande justesse, c'est que ces tensions sont constitutives de nos sociétés, et donc qu'elles ne sont pas prêtes de s'effacer, et qu'il ne faut même pas chercher à les effacer, parce que chercher à les effacer, ce serait, et c'est le drame que nous vivons aujourd'hui, soit nier l'universel, soit nier l'individu. Je veux dire, la force de la pensée de l'histoire d'Aron, c'est vraiment de garder ces deux points de vue communs qu'il essaye de nouer ensemble dans les différents domaines qu'il étudie, à la fois l'individuel et l'universel. Oui, mais ce qui est très difficile aussi pour Raymond Aron, c'est de dire nous sommes dans une course infinie à l'égalité. On a un petit peu parlé hier, d'ailleurs, à propos de la comparaison avec Alexis Tocqueville, cette passion de l'égalité. Et d'un côté, on doit bien aussi quand même satisfaire un certain nombre de revendications égalitaires qui sont tout à fait légitimes, de reconnaissance. Et néanmoins, on ne va pas juste ne pas les satisfaire en disant, en les satisfaisant, de toute façon, il y aura d'autres insatisfactions qui vont arriver. Sinon, en fait, on décide de ne jamais progresser. Oui, bien sûr, mais il ne s'agit pas du tout de ça chez lui. Et vous avez, alors je renvoie deux ouvrages qui sont un tout petit peu antérieurs aux Désillusions du progrès, mais qui les ont nourris, puisque les Désillusions du progrès, c'est en réalité une conférence que Raymond Aron prononce. C'est un texte, je crois, qu'il écrit pour l'Encyclopédia Britannica en 1964. C'est La lutte des classes et démocratie et totalitarisme. Dans ces deux ouvrages, où Aron analyse ce qu'il appelle les régimes pluraliste constitutionnel, c'est-à-dire nos sociétés parlementaires, il montre très bien que le point essentiel de ces sociétés, c'est l'élite, la question des élites et la manière dont les élites se renouvellent. Et donc, il pose le problème, non pas, je dirais, dans les termes d'un égalitarisme plat comme on pourrait le faire aujourd'hui, mais en montrant que, effectivement, la société ne doit pas être une société bloquée, il doit y avoir une dynamique sociale, mais que cette dynamique sociale, elle doit se faire en vue des valeurs qui sont celles de la démocratie et de la liberté. Quand je dis que je ne crois pas au sens de l'histoire, je ne dis pas que l'histoire humaine ne va pas dans une certaine direction. Et surtout, je ne dis pas que l'homme qui réfléchit ne puisse pas se donner certains objectifs. J'ai été un disciple de Kant, et il y a une notion que je retiens encore aujourd'hui. C'est l'idée de la raison. Une certaine représentation d'une société qui serait réellement humanisée. On peut continuer à songer ou à rêver ou à espérer, à la lumière de l'idée de la raison, une société humanisée. Mais ce qui est absurde, c'est d'imaginer que, disons, la propriété collective des instruments de production soit le début de la réalisation de l'idée de la raison. Bien sûr, on conçoit une idée de la raison et d'une société qui serait humaine. Mais ce n'est pas le prolétariat ou la propriété collective qui définit une société conforme à l'idée de la raison. Chacun se fait sa philosophie face à l'histoire. En ce qui me concerne, en dépit de mes expériences, en dépit du XXe siècle, je reste un progressiste. L'humanité n'a d'autre espoir pour survivre que la raison et la science. Tout le reste est indispensable pour vivre aussi, mais la condition pour que l'humanité continue son aventure, qui est une aventure extraordinaire, c'est de faire confiance à la manière de penser qui donne sa chance à la vérité. C'est de faire la différence entre les illusions, les passions, les espérances, et puis la vérité que l'on peut démontrer. En politique, on ne peut pas démontrer la vérité, mais on peut essayer, à partir de ce que l'on sait, de prendre des décisions raisonnables. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Sama. On vient d'entendre Perrine Simon-Naoum, un extrait du Spectateur engagé. C'est les entretiens que Raymond Aron a donnés à Jean-Louis Missika et Dominique Volton. C'était en 1981. Alors ce texte est vraiment intéressant, il nous reste quelques minutes pour le commenter. Alors non seulement l'idée quand même que Aron dit, quand je dis que je ne crois pas au sens de l'histoire, je ne dis pas que l'histoire humaine ne va pas dans une certaine direction. Donc ça c'est très intéressant, cette distinction entre sens et direction, entre signification et orientation. Il y a aussi cette idée quand même de Aron qui dit « je reste un progressiste ». Donc là, on est raccord avec ce que vous avez dit, Perrine Simon-Naoum, ça n'est pas du tout un réac ou un conservateur. Mais encore faut-il savoir vers quoi tend l'humanité. Et là, Aron nous parle de la raison au sens kantien. Et il faut revenir sur cette idée de raison. Qu'est-ce que ça veut dire d'être guidé par la raison, que l'histoire est guidée par le sens de la raison? Eh bien, ça veut dire que effectivement, l'homme est animé par l'envie de donner un sens à son existence. Et un sens, encore une fois, je l'ai dit, qui dépasse sa propre durée temporelle. L'idée que il fixe à l'humanité un certain nombre de directions ou de valeurs qui guideraient le destin humain et les progrès accomplis. Et ces valeurs, Aron l'a répété, ce sont effectivement l'égalité, c'est la liberté et c'est la possibilité, je dirais, d'entretenir entre les hommes un dialogue rationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement s'entendre, je dirais, sur les procédures de débat, et on sait quelles difficultés on a aujourd'hui à pouvoir débattre et à et en même temps, on ne fait que ça. Dialoguer. J'en suis pas si sûre, mais bon, non, vous êtes optimiste. Non, mais les lieux de discussion sont quand même plus nombreux qu'à l'époque de Raymond Aron. Je ne crois pas. Je crois que les lieux de discussion... Je serais un petit peu plus pessimiste que vous, c'est-à-dire il me semble que à l'époque d'Aron, il y a eu effectivement beaucoup de polémiques, mais que dans les polémiques qui l'ont opposé aux marxistes, il y avait toujours un débat. Je pense que dans les polémiques qui nous opposent aujourd'hui aux pensées différentialistes, il n'y a plus de possibilité de débat parce que nous nous trouvons délégitimés dans notre parole elle-même. Mais bon, là, on s'éloigne Non, mais c'est intéressant parce que c'est assez, en fait, c'est assez proche ce débat sur le dialogue, parce que quand Aron parle de l'usage, en fait, pardon, je dis l'usage, mais en fait, je ne devrais pas dire de l'idée de la raison, il fait référence à Kant, mais aussi à un texte de Kant qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» sur un usage public de la raison qui va être en fait le moment fondateur de l'opinion publique et d'un débat public. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et là où ça rejoint l'idée de dialogue, c'est qu'effectivement, si on a envie de construire une histoire ensemble, de ne pas être juste déterminé, mais vraiment d'être acteur de cette vie et de la réalité historique, encore faut-il user de sa raison. Et user de sa raison, ça veut dire dialoguer. Ce qui est à mon sens, le cas, ce qui est quand même plus possible à notre époque qu'à l'époque de Aaron, parce que les lieux sont plus présents pour le faire, on entend plus de voix différentes, il y a plus de journaux, il y a Internet. Alors après, reste à parler des conditions de dialogue. Est-ce que c'est véritablement un dialogue ou pas ? Oui, moi je pense que ça n'est pas, par exemple, sur les réseaux sociaux, un dialogue qui est encouragé, mais au contraire une polarisation. On sait que les algorithmes utilisés par les réseaux sociaux nous polarisent. Mais je dirais, c'est pour ça que France Culture reste un lieu de débat. Et le fait de rappeler la pensée d'Aaron me paraît absolument essentiel sur cette antenne, et je dirais également à l'extérieur, précisément parce que il s'attache à cette idée de raison. Et il montre comment l'homme ne peut pas se construire seul. Et l'homme ne peut pas se construire, je dirais, non seulement seul, mais en rapport avec l'histoire. L'homme se construit toujours avec les autres. Or, effectivement, pour dialoguer, pour parler avec les autres, il faut s'entendre sur ce dialogue et sur un certain nombre de valeurs. Et c'est celles-ci qui sont au centre de l'œuvre de Raymond Aron. Alors, il nous reste encore 2 minutes, Perrine Simon-Naoum, pour parler, je trouve, de cette très belle phrase à la fin du texte. Quand Aaron dit « Tout le reste est indispensable pour vivre, mais la condition pour que l'humanité continue son aventure, très intéressant cette idée d'aventure, qui est une aventure extraordinaire, c'est de faire confiance à la manière de penser qui donne sa chance à la vérité. » Et là aussi, on est vraiment dans ce que vous venez de dire, à savoir Aaron nous permet de penser aujourd'hui que il ne faut pas être dans une forme de déterminisme, mais vraiment d'ouverture à l'incertitude et à l'imprévision, et en même temps donner une chance à la vérité. Et je trouve que cette formule de donner sa chance à la vérité est vraiment très belle. Oui, alors Aaron répond là, je dirais, en écho à la dernière phrase de l'introduction à la philosophie de l'histoire, dans laquelle il disait précisément que l'histoire est un drame parce que nous ne savons pas où nous allons et nous ne connaissons pas le sens de l'histoire. Mais Aaron avait toujours regretté que dans cette dernière partie de sa thèse, il puisse apparaître comme un relativiste. En fait, ce qu'il dit dans la phrase que vous venez de dire, c'est que l'histoire est une aventure. L'histoire de l'humanité est une aventure dont on ne sait pas comment elle finira. En revanche, ce que nous pouvons, là où nous pouvons agir, c'est dans la direction que nous lui donnons. Et cette direction, elle repose sur la raison, elle repose sur la valeur de vérité, et je dirais, elle repose aussi, et il ne faut pas toujours assimiler Aaron, identifier Aaron à la raison. Aaron était aussi un homme de passion et Aaron était aussi un homme d'affection. Et c'était un homme qui aimait dialoguer avec les siens, mais aussi avec les auteurs classiques. Et donc, l'humanité sera guidée vers son émancipation également par le souci qu'elle aura des autres. Merci beaucoup, Perrine Simon-Naoum. De vous, on peut lire. Ça vient de paraître, c'est paru cette année, Les déraisons modernes aux éditions de l'Observatoire. Je signale aussi Les Juifs et la modernité, l'héritage du judaïsme et les sciences de l'homme en France au 19e siècle aux éditions Albin Michel. Et puis je signale qu'en janvier 2022 paraîtra aux éditions Odile Jacob un cours inédit de Raymond Aron au Collège de France qui date de 1970 intitulé Critique de la pensée sociologique. Vous écoutez France Culture et on va bientôt écouter Frédéric Vors, mais avant c'est la chanson évidemment. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Vous écoutez France Culture, il est 10h54, et oui, après Bob Dylan, c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Vorm, le pourquoi du comment. L'être et le néant, peut-il se lire comme un roman. L'être et le néant, c'est le grand traité de philosophie de Jean-Paul Sartre qui, publié en 1943, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, affichait d'emblée sa difficulté technique et théorique. Son sous-titre, Essai d'ontologie phénoménologique, sa taille, son poids, il faisait exactement 1 kilo, au point qu'on dit que les bouchers, pendant l'occupation, se servaient de lui pour peser 1 kilo de viande pour leurs clients ou leurs clientes. Ce livre, donc, affiche sa difficulté théorique et technique, pourtant, chez un éditeur, Gallimard, alors connu pour ses romans, pour publier plutôt de la littérature. Et c'est bien chez Gallimard que Sartre était passé avec Armes et bagages pour publier son premier roman, quelques années avant la guerre, intitulé La nausée. Et L'être et le néant, en pleine Seconde Guerre mondiale et juste après, se vend comme des petits pains, pourrait-on dire, se vend et se lit en effet comme un roman, peut-être bien plus encore que les romans de Sartre, Les chemins de la liberté, qu'il publie aussi après la guerre et dont bien peu se souviennent aujourd'hui. C'est donc un livre à la fois technique, théorique, très philosophique, conceptuel, ontologie phénoménologique, et puis, d'un autre côté, un livre qui touche à notre existence, peut-être aussi au cœur de la guerre, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et certains ont pris argument de ce succès littéraire, de ce vertige, de ce succès politique aussi, de cette réputation de l'auteur Jean-Paul Sartre, devenu ensuite le gourou des existentialistes à Saint-Germain-des-Prés, pour dévaluer l'importance philosophique de ce livre. Pourtant, c'est bien un très grand livre de philosophie. Non pas une reprise, mais une réponse à Être et temps de Martin Heidegger, dont il s'inspire, mais auquel il cherche aussi à résister. Quel est en effet le geste de Sartre ? Le geste de Sartre est très simple, et c'est pourquoi il devient aussi romancé ou romantique. Ça consiste à dire, au fond, il y a de l'être, mais il n'y a de l'être que pour quelqu'un qui ne peut pas être un être, puisque lui, notre conscience, c'était le thème de la phénoménologie, tous les êtres sont des phénomènes donnés à une conscience, notre conscience est le spectateur de tous les êtres et ne peut donc pas elle-même être un être. Tout se joue donc du côté de ce petit mot mystérieux, le néant. Pour Sartre, le néant, ça n'est pas une chose, ça n'est pas l'absence de toute chose, ça n'est pas un vide. C'est notre nature, notre être paradoxal à nous, notre conscience et aussi notre liberté, parce que nous ne sommes rien. Et c'est parce que nous ne sommes rien que nous pouvons choisir d'être, que nous donnons un sens à l'être. Et c'est ce débat entre ce néant qui devient ce à quoi nous tenons le plus, notre liberté et l'être, qui fait la dialectique et aussi l'aventure de ce livre. L'aventure de ce livre, c'est comment le néant affronte l'être, se choisit d'être, se devient liberté, et pourquoi cette absence devient un fondement, devient le fondement de cet existentialisme qui est aussi un humanisme. Des auteurs comme Heidegger ont reproché à Sartre, d'humaniser l'existence, de faire du néant le propre de la liberté et de la réalité humaine. Mais comment peut-on lui reprocher, devant chaque situation historique, notre néant est aussi notre fondement, et nous pouvons résister aux assignations qui fondent le racisme ou le sexisme, et c'est parce que nous ne sommes rien que nous pouvons tout devenir. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture, à la page du Pourquoi du Comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Carla Michel qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Manon Delasselle, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, à la réalisation Louise André et Nicolas Berger, avec à la prise de son aujourd'hui Félix Delacour et François Raison, bien sûr, à la lecture des textes toute cette semaine. Pour écouter ou réécouter cette troisième émission sur Raymond Aron, sa philosophie de l'histoire, sa conception du progrès, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et déjà la fin de notre série sur Raymond Aron, Sans modération, et demain, faut-il dire adieu aux armes ou la guerre est-elle nécessaire selon Aron? Ce sera demain avec Jean-Vincent Hollande. France Culture, l'esprit d'ouverture.